Planet Rap. À partir de maintenant, yeah. T'es prêt ou quoi? Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Joke passe par l'émission rap de référence. Are you ready? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Joke, c'est maintenant sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue pour ce Planet Rap deuxième soirée avec Monsieur Joke. Yep, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va moyen, puisque je voulais qu'on débute cette émission rendre hommage à Bigou. À Bigou qui est parti trop tôt. Bigou, c'était le frangin de Mac Taylor. Il était là encore à ta place il y a quelques semaines dans Planet Rap lorsqu'ils sont passés avec Mac Taylor et Maître Gims. Il nous a quitté aujourd'hui. Bigou, c'était lui. Tiens, peut-être une de ses dernières apparitions au freestyle dans Planet Rap, c'était celle-ci. Les Péruviens ramènent la pure, donc obligé d'inonder le terrain. Inonder le terrain. Les coffres sont pleins. L'oseille n'attend pas. Faut se lever tôt le matin. Ça carotte. C'est pour ça qu'ils partent tous des cuisines. Ça zozote. Dès que tu leur cales un date avec Uzi, ils parlent tous de se taper. Pourtant on sait tous que c'est des tapettes. Tu sais, on devrait tous les mettre. Le vrai de clash aujourd'hui, ça peut faire recette. Eh ouais ma gueule. Quand tu es toujours précis comme un mec de trap. Et du rap et des sables, c'est ce que j'ai dit à la Jap. Elle m'a dit tiens toi ça, sinon ton détail des rap. Et je m'en tape. Je vais leur faire du sale. Donc aujourd'hui ça, je me tape un comico. Faire du sale. Je me mets sur leur côte. En bas de chez eux, je leur sucerai les os. Faire du sale. En duo, en trio. Toujours un gun dans la cage de la Clio. Faire du sale. Dans le game, trop de gringo. Faites de la place à l'équipe à Pequeño. Le balafré m'envoie du sale. Donc obligé de faire du sale. Général. Le balafré m'envoie du sale. Donc obligé de faire du sale. Voilà. Donc Bigou qui nous a quitté aujourd'hui. Une énorme, évidemment, pensée à Mac Taylor, à sa famille, ses proches. Force à Mac Taylor. Voilà, beaucoup, beaucoup de force et beaucoup de courage dans cette terrible épreuve. En tout cas, voilà, je voulais qu'on débute cette émission, même s'il y a forcément des choses plus drôles. Et c'est vrai que ce début d'année, tu dis, ça pique, hein, ça pique. Ah ouais, ça pique. C'est, franchement, aujourd'hui là, je sais pas. Quand j'ai appris ça, c'est, je sais pas comment dire. Bah toi, tu connaissais bien, puisqu'on va saluer aussi Oumar qui est là. Oumar, évidemment, qui est là aussi avec Mac Taylor depuis des années, qui suit Bigou pareil depuis des années. Ouais. Voilà, c'est vois, terrible. C'est terrible. Difficile. Comme on va dire, quand je suis rentré dans le rap, dans le cercle du rap game un peu avec ce morceau là, Scorpion Remix, tout ça, j'ai rencontré Mac Taylor, tout ça, et c'est à ce moment là aussi que j'ai rencontré Bigou. Et je le croisais souvent, tu vois. Et c'est un des mecs que je voyais dans le rap français qui était. C'est un mec toujours souriant, toujours. Tu vois, c'était vraiment un bon gars, tu vois. Donc ça fait très mal d'apprendre un truc comme ça, surtout que c'est imprévu comme ça, ça fait trop mal. Bon, bah cette image en tout cas qu'on va essayer de garder de Bigou, voilà, ce gars qui débarquait avec un grand sourire et qui venait aussi bien aussi en studio que dans les Planet Rap, et puis qui avait aussi sa vie au quotidien. Et on pense, voilà, très fort à Mac Taylor, sa famille et ses proches. Et on dédie évidemment cette émission et puis les autres qui suivront à Bigou. On va attaquer ce Planet Rap, mais juste avant d'attaquer, tiens, on va se faire le replay d'hier soir, c'était avec Joke. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Les gens sont toujours aussi chauds, tout ça. Ah, par contre, c'est vrai que les concerts de Joke, c'est un truc assez incroyable. Hein. Ouais, c'est pas mal. Moi-même, je trouve ça pas mal. C'est pas mal quand même, c'est même très très très bien. Après, c'est pas forcément moi qui suis lourd, mais je trouve que le public, il a une énergie assez folle. C'est un échange, hein. C'est-à-dire que si t'es mou sur scène, le public, pareil. Hein, c'est vrai. Il y a mon gars Bips aussi qui est très très fort sur scène. Qui est là, qu'on salue évidemment de retour. Salut frère. Va t'oublier, négro. Planet Rap. Travaille de mon côté là, je prépare le deuxième. Donc un nouveau projet pour quoi? 2015? 2015 si Dieu veut, ouais. Pas de pression, pas de date de. Pas de date, il faut que ça soit un truc incroyable, donc je prends mon temps. C'est Planet Rap sur Skyrock. Le renard pique les yeux. Le renard détend les pieds. Sur la vie de mémoire, et ta papa me ken, on évite les ports. Sur la vie. C'était hier soir, Rap, en direct sur Skyrock. La chance est pour les chances. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux.

Non. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Par Style Nas, dédicace à Kassim. Quelle santé, la vraie musique, mon frère. À l'instant, Joke avec Casino sur Skyrock. Ça, c'est vrai que c'est un des gros morceaux de l'album aussi. Hein. Souvent, on se dit, voilà, les albums sortent. Il faut toujours un petit peu de temps, mais les albums continuent à vivre aussi. Et en l'occurrence, celui-ci, Casino, voilà. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, l'album est sorti en juin. Et c'est vrai que le morceau, je trouve qu'il tient encore la route, quoi. Et comme je te disais hier, tu vois, mon morceau préféré, New Jack, je l'ai fait aux dernières semaines, tu vois. Et Casino aussi, je l'ai fait dernière semaine, j'ai carrément fait le dernier jour. En fait, le jour, je devais rendre les bandes deux jours plus tard, j'ai fait Casino. C'est ce qu'il faut que tu fasses sur le prochain album, quoi. Dès que tu rends les. Je fasse tout la dernière semaine, en fait. Dès que tu rends les bandes, tu mets une date précise au moment où tu rends les bandes. Et la semaine d'avant, je me mets à taffer l'album. Et t'attaques la semaine juste avant. Non, mais là, t'es dessus un peu, tu bosses un petit peu. On en est où d'ailleurs sur le new shit? Sur le new shit. Que les gens réclament depuis hier, le nouvel extrait de cet album, ou du moins un titre inédit. J'ai pas pu me pencher dessus aujourd'hui, j'étais sur un tournage de clip. Après aussi, j'ai appris la nouvelle. L'horrible nouvelle, ouais, dont on parlait tout à l'heure, la disparition de Bigou. Ouais. Non, j'ai pas pu trop réfléchir à ça, mais on va se débrouiller, on va trouver quelque chose. Bon, on trouvera d'ici à la fin de la semaine. En tout cas, il y a aussi des cadeaux chaque soir. Hein, le pack Casino à choper. Pack Casino. Pack Casino avec des trucs. Avec. Derrière, il y a des petits trucs qui ont changé. Ah. Il y a l'album. Il y a l'album. Dédicacé. Le vinyle dédicacé. La casquette à Teyaba. Le poster dédicacé. Deux places de concert. Un bon d'achat de 50€, une soirée avec Azura, mais maintenant on cherche des MILF. Ah oui! Maintenant c'est 30 ans minimum. C'est ça. Ah, c'est 35 ça. Ans minimum. 35 ans minimum. Azura... Il a eu sa dose hier pour les petites, maintenant il veut des grandes. Ça. Non mais Azura le pauvre, hier j'ai vu qu'en plus, d'ailleurs pendant l'émission, j'ai découvert par la suite, il tweet en loose day en fait. C'est ça. Où il dit qu'il se faisait cartoucher pendant l'émission, hein, quand même. Où il se plaignait un peu de ce qu'on lui infligeait hier pendant l'émission. Il a reçu des messages de jeunes filles qui disaient, moi j'ai 18 ans. C'est ça. Donc là on va aller sur quoi? De la trentaine, quarantenaire, 35 ouais, minimum. 35 minimum. C'est bien ça. Et jusqu'à. Il y a une limite quand même, ou on peut basculer cougar? Non, après c'est grilf. Donc il faut qu'on reste dans MILF. Ouais. C'est non. Ça. 49 ans. Ah d'accord. 49 ans. 49 ans. Que ça tienne encore sur place, c'est ça. C'est terrible. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé pour cette nuit avec Azura, si vous êtes une nana, vous voulez répondre à la bonne question qu'on va vous poser maintenant, vous repartez avec le pack Casino offert par Joke et son équipe. Quelle est la question ce soir, Joke? Donc la question c'est, j'ai fait un feat avec un rappeur américain dans l'album, quel est le nom de ce rappeur? Ah, j'allais le dire en plus. Non, c'est à vous de le dire, de l'envoyer par SMS avec votre prénom, numéro de téléphone et votre âge. Priorité. C'est ça. Allez-y, ou même des photos, on peut envoyer des photos aussi pour Azura, on peut carrément balancer via le Skyrock FM. Via le Skyrock FM, n'hésitez pas, avec votre âge au 41759 et votre numéro de téléphone avec la bonne réponse pour repartir avec ce pack Casino. Joke avec nous, entre 20 et 21, qu'est-ce qu'on met comme morceau de Joke? On stocke là? Ouais, soit de l'album, soit on peut mettre aussi un extrait des titres inédits qui sont arrivés là au mois de janvier. Puisque je rappelle que sur ton site, on peut télécharger. Télécharger Doloran Music. Doloran Music. Qui est sorti le 1er janvier en téléchargement gratuit. Donc on va écouter Billet d'un euro. D'accord. Billet d'un euro, c'est un morceau. En fait, quand on est parti à New York l'an dernier, on est parti dans un strip club. Et on s'est rendu compte de la force du billet d'un dollar en fait. Dans les strip clubs, tu vois, le billet, c'est même plus de l'argent, en fait. C'est comme un jeton, en fait, je sais pas comment dire. Et en revenant ici, je me suis... C'est pas que je me plaignais, mais je me disais, quoi, s'il y avait un billet d'un euro ici aussi, tu vois, on pourrait faire ce qui se passe là-bas, quoi. Donc après c'est pas la même culture non plus, c'est aussi une culture qui est différente. Je pense que s'il y avait des billets d'un euro ici, même toi tu irais. Ah oui, on aura. Ouais, on va pas acheter des pièces. Tu t'adaptes, vite à ce genre de. C'est pas mon genre. T'inquiète pas, Fred. C'est pas mon genre, voyons. Non, mais après c'est vrai que culturellement aux États-Unis, tu sors du boulot, tu vas dans un strip club, il y en a partout aux États-Unis. C'est pas mal ça. Non, parce qu'en plus t'as pas le droit de toucher, t'es un mec. T'as pas le droit de toucher. Enfin, je sais pas, il y en a qui ont touché ici, du genre Azura, tout ça. C'est Azura, mais derrière son petit air, là, tout ça, j'ai tout, c'est pas possible. C'est le pire. On l'appelle démon dans le groupe. C'est vrai? Il s'appelle démon, ouais. Mais il a l'air tellement calme. C'est pas le démon, c'est démon. Non, il a l'air tellement calme, j'ai du mal à croire ce que vous racontez. Ouais, il est dangereux. Ouais. En tout cas, les strip clubs, c'est pas une ambiance sale, c'est pas malsain, tu vois, c'est un truc cool. C'est comme les gens vont en boîte ici, tu vois même des meufs qui jettent des billets sur d'autres meufs, y a pas de problème là-bas. Ouais, c'est une autre culture. Ouais. C'est pour ça que je te dis, même si nous ça existait le billet d'un euro, je dis pas que. Mais on s'adapterait. C'est comme les mais les culturellement, c'est aussi. Culturellement, c'est aussi. Tu manges bien des hamburgers, tu vas au McDo. Bah, tu peux pas comparer des nanas qui dansent et hamburgers. Tu vas te taper toutes les ligues de défense des nanas, tu vas voir dans un instant, qui vont intervenir, ah ouais, qui vont tomber sur tes côtes, tu vas voir dans un instant. J'iris les poils de chat de ces féministes. Aïe. Allez, on balance le morceau de Joke sur Skyrock. Yeah. 1 euro. Dédicace au Sin City, dans le Bronx. L'adresse à ne pas louper. We have to sell a fantasy. We have to make them feel like they're special and different. Yeah. And make them, you know, want to come back and stuff. Yeah. And I think that's the worst thing. Like, I'm not a slut, bitch. I got a BA and I'm running a fucking company. You know, I'm just using what I got. I'm making my money using all of this. Il me faut des billets de 1 euro, fuck les billets jaunes, les billets mauves. C'est pire que la coke, c'est pire que les rouges, j'peux y cracher tous mes dineros. Si tu mets tes grosses fesses dans ma tête, j'vais dépenser le blé en plaquettes. Joke sur Skyrock en TT sur Twitter. Pour me changer en craquette, Léo frappe sur tes fesses cuisantes, tu ris à mes blagues pas amusantes. Tu mets 2-3 billets dans ta ficelle, ensuite je vais gâter la suivante. Je serais capable de remercier Dieu si c'était pas trop blasphématoire. Trop de boulard dans mes radars, c'est chaud comme dans un four crématoire. Yeah. Bi monte sur la table, sur la barre, sur le bar, prends les liasses. Ton cul gigote sur les notes que tu sens dans les basses. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar, prends les liasses. Produit par mon gars Connex. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar, prends les liasses. Next go. Un livre pour faire des avions dans le strip club. Pour éclater notre salaire sur leur surf, on grind and night comme un Kit Kat. Maintenant je vais croquer ses fesses pour la modique somme, cet SMS. Le taf c'est effet papillon, si Dieu veut je m'achète un SLS. Dans ce genre d'endroit je me conduis mal, Renoir je me conduis comme pas permis. Retourne-toi, touche tes orteils, je veux que tu puisses gratter ton vernis. Regarde le négro dans les yeux quand tu ouvres ça grand comme une catin. Tu fais splash et plus radin, mes petites te jure c'est pas du tapin. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar, prends les liasses. Ton cul gigote sur les notes que tu sens dans les basses. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar, prends les liasses. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar, prends les liasses. C'est le genre de fils et de l'espace qui transforme Superman en Clark Kent. Qui transforme une danse en raquette et éveille toutes ses pulsions malsaines. Renoir, ramène pas ta CB si tu veux pas te faire dépouiller. Tu vas pleurer comme une madeleine, tu vas partir garder tes souliers. On est sur les nerfs, ma mère. Une belle galsaine, imagine la scène. Espagne, caliente, une italienne. Mas, sur les soft la stétas. Lâche, plus rien qui m'arrête. Billet. Les billes comme mitraillette, elle fait son bif, y'a rien qui la freine. S-less comme Nadia Lyon. Yeah. monte sur la table, sur la barre, sur le bar qu'on les liasse. Ton cul gigote sur les notes que dédicace tu sens à dans les qui est dans le gamos. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar qu'on les liasse. Monte sur la table, sur la barre, sur le bar qu'on les liasse. Hashtag joke sur Skyrock. Arrobase J-O-K-E-M-T-P. Joke MTP sur Facebook. Joke Kizzy sur Instagram. Yeah. Le son des strip clubs français. Et puis ton message est entendu à la Banque de France, qui est pas très loin de la radio d'ailleurs. Billet de 1 euro. Je crois qu'il pensait à le faire en plus. C'est pas Sarkozy qui voulait. Je sais pas si c'était Sarko billet, ou. Mais je sais que j'avais lu un truc sur l'histoire de billets d'un euro. Ouais, c'est bien dommage. Bon bah écoute, Joke, qui sait ce que nous réserve l'avenir? Plus tard, quand Azura sera président. T'imagines que, bah, ce sera toi sur le billet d'un euro. Ouais. On mettra ta ganache dessus. Bon, Joke avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Vos messages, la réponse dans un instant à la question que tu as posée pour repartir avec le pack casino. Rappelle-nous un petit peu la question, Joke. Donc, il y a on chopera quelqu'un dans un instant. Un rappeur américain qui a posé avec moi sur l'album, sur le titre qui s'appelle Black Card, un indice en plus. Et je voudrais savoir son nom en fait. Vous avez la bonne... il était dans un groupe qui s'appelle Clips. Ah bah là tu aides beaucoup. Ouais. J'aide beaucoup. Mais... Pour ceux qui n'ont pas l'album, sinon ceux qui ont l'album ont déjà répondu. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone et votre âge aussi. C'est une donne qui est importante pour la suite des événements. C'est vrai. On va revenir dans quelques minutes avec Joke sur Skyrock. Tu feras un live ce soir, Joke? Ouais, petit live. Je sais pas encore quel morceau, mais petit live au calme. Et je tiens à rassurer aussi les gens qui nous demandent, qui sont en train de mater l'émission via l'application, parce qu'ils vous voient, toi et Bibs, en doudoune. Ouais. Il y a la clim dans le studio, vous inquiétez pas. Il fait très froid. Il fait très froid. Pas une histoire de clim, il paye pas le chauffage. Non, c'est surtout que vous avez passé la journée dehors, parce qu'il y a eu tournage de clip, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était quoi comme clip d'ailleurs? Là, c'était un clip dans le 93 avec Wormsy à Bobigny. Ah. À Boboche. Wormsy, ouais. Wormsy, pardon. Wormsy, qui sort son projet le 23. Voilà, qu'on salue. Comme Gradure aussi, qui sort le 23. Comme Gradure le 23 février prochain. Donc c'est pour ça que vous avez un petit peu froid et qu'il faut vous remettre à température locale. C'est ça. Pour tous les gens qui se demandent. On vient du sud aussi. Oscar, vous n'avez pas payé le chauffage? Si, si, tout va bien. Il fait 24 degrés dans le studio. Bougez pas, dans un instant, on revient avec Joke. C'est juste après ça le retour de Planet Rap. Ladies and gentlemen, t'es prêt ou quoi? Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Joke sur Skyrock. C'est Joke, notre invité. La tournée de Joke qui est repartie depuis la semaine dernière d'ailleurs. La Teyaba Tour part 2. Le 13 février, c'est à Nantes. Le 14 à Aulnay. Le 19 à Reims. Le 21 février à Manille. Complet à Aulnay, excuse-moi de te couper. Oui, tu as raison, complet à Aulnay. Donc autant vous dire qu'il faut prendre ses places rapidement. Le 27 février à Mulhouse, le 28 à Metz, le 13 mars à Ris-Orangis, 14 mars à Vannes, le 21 mars au Canada, le 27 mars à Sannois, 28 mars à Nanterre au Festival Chorus, le 2 avril à Savigny-le-Temple, le 3 avril à Morlaix, 29 avril au Printemps de Bourges, 5 mai à Lille, 30 mai à Toulouse et puis d'autres dates qui s'ajoutent au fur et à mesure. Suivez Joke avec le pack casino. Le pack casino, c'est pour vous. Il y a l'album dédicacé, il y a le vinyle collector, il y a 50 euros en bon d'achat. Un poster dédicacé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah non, j'ai oublié le plus important, la fameuse nuit. Deux places de concert et une nuit avec Monsieur Azura. Mais il faut avoir l'âge minimum requis en l'occurrence ce soir. 35 ans ce soir. On va demander à Vanille quel âge elle a de Cray. Ça va bien Vanille? Oui, ça va et vous? En pleine forme? Oui. Alors, calme. Vanille? Comment? Vanille, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, okay, oui. Éliminé Vanille, désolé, hein, désolé malheureusement. Je l'ai passé hier. Même hier, on n'aurait pas pu, Vanille, c'est impossible. Mais je pense que tu as par contre la bonne réponse. Rappelle-nous la question de Joe que tu as posée il y a quelques minutes. J'ai rappé avec un artiste américain dans l'album et je voulais savoir son nom. Pusha T. Ah, bonne voilà. Réponse, bravo. Tu repars avec pratiquement tout le pack casino, bravo. Sauf la nuit, mais qu'on peut remettre en jeu maintenant, hein, si quelqu'un est intéressé, la nuit Azura, si vous avez entre vous pouvez le contacter directement, sinon sur Twitter. Hein. Ah bah, on peut. Azura 1990. Voilà, A-S-U-R-A 1990. N'hésitez pas à le joindre. Et Vanny, t'as une petite question pour Joke, un petit message à lui passer, on t'écoute. Bah, je sais pas. D'accord, Vanny, okay. C'est pas grave. Tu as l'album de Joke, Vanny? Non. Ah bah là, t'auras tout, tu es refaite. Ouais. Mais alors comment tu avais la bonne réponse? Tu as couru sur le net? Tu as fait quoi? Non, je savais déjà en fait. Donc, tu savais. Ça fait longtemps que je me suis déjà fait. Okay. Ok. Et bah écoute, terrible. On te fait un bisou, Vanille. Merci. C'est mignon comme tout, Vanille, comme petit prénom. Mmh. Vanille de Creil à l'instant. Dommage à Zoura. Hein. Ce sera pas encore pour ce coup-ci. Ça va être dur la semaine hein, pour le pauvre. Demain, on va baisser un peu l'âge. Hein. Donc ça marche un peu. C'est le Planet Rap avec Joe Tiasson. Mettez le morceau avec Pouchatier. On y va? Vas-y, on envoie Blackard. Produit par mon gars avec Nifreg et Blasta. Mes négros sont dans la place comme Rosa Parks. J'ai le génie, la taille, la nation de Bonaparte. Hashtag Joke sur Skyrock. Rap, vive les chats et Blackard. Ils veulent nous voir souffrir comme tous ces bâtards. Mamie et moi on tape d'arrache-pied. Comme Vania on veut le million, on fourre en tout cet aspect. Là j'ai océan de billets, c'est ce que j'appelle brasser. Marie-toi à la rue, t'auras pas de bague, t'auras le bracelet. Nigga, tu as namasté. Dis merci, j'ai pas de papa, vas-y, je peux prendre le thé ou me faire sucer sur ma rasté. Rien que ta gueule est full seul. Ma chérie, tu sais que ma hug va pas sucer toute seule. Tu pourras te lever à 7h, à 5h. L'avenir appartient qu'à un seul négro dans le secteur. Je baisse la fille, la mère, la sœur, c'est enculé d'inspecteur. Tu fais le gâchot jusqu'à ce que tu prennes un coup d'extincteur. Nigger, je te baisse devant la glace, nique sa race, Candyman. Candyman, je te baisse devant la glace, nique sa race, Candyman. Je te baisse devant la glace, nique sa race, Candyman. Flow killer, no nigga fucking with the boy. Album of the year, dope dealers jump for joy. Inspired as they paddle shifting in they foreign toys. Listening to the realest nigga making all the noise. My name is my name, Kane is the blame. Slave to the kilo, the chain still remains. Yeah, the good music kingpin. Window of opportunity is really shrinking. Trigger finger steady, let these hollows sink in. You need an army to test them, the fuck was you thinking? I done seen it all, done it all. Shot with every jeweler, sold a ton of raw. Had the Frank Mueller with the bezel thawed. My double pump days had to saw the metal off. Yeah, it's a life of crime. They say it in they raps, but this life is mine. Push. Bouge pas, j'ai ta tête dans la lunette. Quoi? Rare comme un diamant français qui vient pas du bled. Quoi? Mes négros peuvent faire toutes sortes de salles pour des euros. Mes négros peuvent faire toutes sortes de salles pour des euros. Bâtard, charbonne pour ma black card. L'état français nous doit une black card. C'est l'argent, le cercle ou le black card. Mes blancs, mes noirs, mes chinois veulent leur black card. Yeah. Le rap du creuse, ça tombe à mesure que je creuse ma tête. Les anciens veulent renaître, autant que je veux te la mettre. Copier font un patron, Renoir c'est moi le patron. T'as pas besoin d'être Michel-Ange pour que ton cerveau repeigne le plafond. Je me suis levé hier tellement je me suis levé très tôt. Et vu ce que je vous prépare, je crois que je vais devoir me coucher très tard. Je fais glisser ta paire de bras, je donne la main, ils prennent le bras. Donc je les dois. Et tu connais la suite mon négro. Pouchati à l'instant sur le morceau avec Blackard en compagnie de Joke, c'est extrait de l'album Ateyaba. Extrait d'Ateyaba. Est-ce qu'on aura... titre. Est-ce que d'ailleurs tu penses à quelques surprises sur l'album qui viendra par la suite, quelques rencontres? Est-ce que tu as des idées en particulier, des envies? J'ai quelques idées, mais je pense que je vais garder ça pour moi. Là, je viens de voir dans les messages qu'il y a quelqu'un qui me demande la marque de ma casquette. Et en fait, c'est la casquette Ateyaba qui est en jeu. Ah, c'est la casquette qu'on file dans le pack casino. Ouais, c'est ça. Disponible aussi en tournée. La casquette Ateyaba et on la vend aussi lors de nos concerts. Donc, En tournée, ouais. En tournée, elle est là. Avec tout le merchandising qui va avec lorsque vous croisez Joke. Voilà. En tournée près de chez vous. Et donc, pour revenir rapidement, parce que j'ai bien vu la façon dont tu dérivais sur la casquette, ouais. Les idées, les gens que tu aimerais bien voir sur le prochain album au niveau Quinry. Franchement, j'ai des idées, mais je suis très superstitieux, tu vois, donc je préfère même pas donner de nom. Mais il y a des choses qui sont engagées déjà ou c'est trop tôt pour l'instant? J'ai déjà un morceau, j'ai déjà un artiste étranger. Ah ça y est, c'est fait? J'ai déjà un artiste, après on verra pour les autres. Artiste américain? Ouais. Gros? Ah, ou dans cette nouvelle génération un peu comme justement Pouchati, comme... Je parle pas. D'accord. Je dis rien. Ce sera sur le prochain album. Prochain album, c'est ça. Ça, dites-nous si vous prochain avez des Planet idées. Rap. Avec qui vous verrez bien Joke posé 41759 avec le hashtag Joke sur Skyrock. Bravo à tous les gens qui te suivent. On est encore entêté ce soir, donc bravo. Entêté ce soir. Hashtag Joke MTP. Non, qu'est-ce que je dis? Hashtag Joke sur Skyrock. Arrobas Joke MTP. Voilà, poursuivre Joke. Dédicace à la Payade. Driss Payade, je te vois. Et là, on va faire un tour du côté de Belfort, rejoindre ses Raid, c'est ça, Raid? Yep. Bienvenue dans le Planet Rap de Joke, Raid. Si, si, merci Fred, bien ou quoi? Bah écoute, en pleine forme, je te présente Joke. Joke, bien ou quoi? Si, bien, si. Calme. T'as dit quoi? Au calme, hein, tranquillement. Et c'est vrai qu'on rappelle que là, tous les freestylers cette semaine vont rapper sur un de tes instrus, Joke. Ouais, une instru de DeLorean Music. Toi, t'as choisi? Qui est en téléchargement gratuit sur jokemtp.com. T'as choisi quoi, toi, Raid? 2014 à l'infini. Et ben, on va voir si ça tient la route. C'est parti maintenant sur Skyrock. Session freestyle avec Raid. Yo. Yeah. Envoie ça, mon négro. Au calme. On envoie ça, Joke, t'inquiète. Yo. Weezy Ray débarque, je vois que certes, elles me prennent pour modèle. L'esprit d'art, je ne rate plus mon inspiration, mais tous mes mots de tête. Mon gros pissot sera mortel. Je concurrence à Marc. Si tu fais ta. Je te laisse dans le, te libère dans le motel. Que des liqueurs que j'ensorcelle. Ta relation sur une ficelle. Merci qui, non pas Jackie. Tu critiques mais qui d'aide. Tu dis qu'on est nul gros qui d'aide. Et pour que ce soit plus direct. Maintenant si tu connais pas Raid, plus rien ne sera plus pareil. Tu connais l'équipe formée que de nos cœurs et bras qui bougent pour moi. Au-delà de la limite, un petit fait pas le team et essaie de nous tester pour voir. À la quête du pouvoir, des billets en pourboire. Pas de mimique, la fin sera tragique. Et ouais, moi j'ai cru, non, je suis diplômé de Poudlard. Hello, hello, les démons et hello. Ballot, c'est ballot, meilleur que le cello. Je fly comme Neo, je fly comme Neo. Ciao, ciao, force mon gars, Nayo. Quand je dis que je parle dans son dos, c'est tiré par les feux. Elle veut que son fils soit mon parfait craché, mais je tire dans ses yeux. Je pose trip, il rappe comme des paresseux. Il rappe depuis. Comment osez-vous parler de jeu? Merde. Comment osez-vous parler de jeu? Merde. Comment osez-vous parler de jeu? Oui. Raid à l'instant. De Belfort par téléphone pour le freestyle. C'était avec... chaud. Merci Bips, on est là. Hein. Avec ouais, l'instru de Joke et Bips en effet qui est là. Ouais, ils confondent votre voix tous les deux. C'est marrant. Parce que... Mais tous les deux on trouve que c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. J'ai entendu des petits bails qui étaient censurés, des Jackie et Michel, des Marc Dorcel, des tout ça. Tu vois, c'est censuré, faut pas tu le dis, frère. Je vais me faire punir après. Merci à toi en tout cas, Raid, du côté de Belfort. Yep. Je peux lâcher 2-3 petits vas-y, détails. Vas-y, vas-y, tu lâches l'endroit où on peut te suivre aussi si les gens veulent te suivre, vas-y. Moi, vous pouvez me suivre sur Twitter. @justrizy, JUSTERI2ZY. Et les gros. Et dédicace aussi à tous les rappeurs de Belfizy, plus spécialement le label Dopshit avec Carter, Calypso, tout ça. Animal Record avec HTM l'Enchanteur. Big up à toi, HTM, Serkera9Z, Nice Nayo, tous les rappeurs de Belfizy, Belfort, 90 000. Et ben merci à toi, Raid, et passe une bonne soirée. Si, si. Et Joke, envoie-moi 2 places pour Mulhouse, frère. Ah, faut voir avec Fred. Hein. Non, c'est Fred de le mettre des places. Tu crois que j'ai des places comme ça, je peux les sortir. Attends, Mulhouse, c'est bientôt à Mulhouse. Dis donc, c'est le 27 février, ça approche. Si, si. Au Noumatrouf, c'est bien ça le Noumatrouf? Belek, ouais, je sais plus quoi le blaze exact. D'accord. Bon, bah, c'est le Noumatrouf à Mulhouse le 27 février. On va voir si on peut faire quelque chose pour toi. On te laisse négocier avec. C'est Pauline à qui il faut demander. N'hésite pas à demander Pauline au standard pour négocier ça, mon cher Raid. Ok? Si, si, allez. Ciao, passe. Merci, Fred. Salut, passe une bonne soirée, Raid. Bonne soirée. Les gens qui demandaient pour les instrus pour rapper cette semaine, on les trouve aussi sur ton site. Hein, on peut les trouver. Non, ça, je les garde pour moi. Ça, tu les gardes? Et si on veut s'entraîner, il n'y a pas moyen de. Je sais pas, il doit y avoir des boucles sur YouTube, peut-être, je sais pas. Peut-être, ou alors venez rapper, tiens, cette semaine, vous avez après, les instrus. Après, faut voir, hein, peut-être que les beatmakers, je sais que Richie, il aime bien mettre les instrus sur son SoundCloud après, donc il faudrait aller voir sur les trucs d'aller, des producteurs. D'aller fouiller un petit peu. C'est ça. Et puis en attendant, si vous voulez rapper, inscrivez-vous aussi pour rapper avec Joke cette semaine, 41-759, avec votre prénom, numéro de téléphone. On met un morceau, le Scorpion Remix. On va mettre Scorpion Remix, featuring McTyre et Niro, en hommage à Bigou. C'est parti maintenant sur Skyrock. So, Niro, Joke, Crime Shop, Nécro, du cryogéné. Ah, oui, oui. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même feeling, pas le même go. Rap le gré qu'on remène au milieu du ghetto. Toujours sourire relève à la sortie du dépôt. Avocat de cinglé, toujours un flow de taré un. Ma liberté ne tient qu'à un fil. Tu démarres tes autos au boîtier un. Fini l'époque où tu faisais les fils. J'aime le gros cul, les grosses cuisses et les gros cheveux. Le son de ta voix dans les funk tel, tes beaux yeux. Tu prends combien pour la nuit? 1000 euros, ok, 1000 euros si tu veux. Des fans me prennent en photo comme le keuf. Sans clôture, je t'en dans vos larmes. En TC, je réside toute ma life, j'ai vu grave la résine. Style sorti de l'asile, camisole à mes punchlines. On tire pas au grenaille sur son ennemi. Négro, je préfère que tu me défies, que tu te défies. Que tu lèves ta vie comme non income. Mille de filin Delphine. Tu cries comme ce flingue qui tire sur quiconque. Tu rigoles, tu bricoles, tu bétons. Tu sors et ça repart deux fois plus fort. Niro, joke, crime, choc, négro, tu cries au génie. Trop d'avance, ma carrière, j'avais dit qu'on la crie au génie. Pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, putain de fils de putain, pas le même genie, putain de fils de putain, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie, pas le même genie. Pas le même flow, pas la même vie, moi pas le même flow. Comment monsieur c'est mon qui, t'auras pas le même génie. Putain de fils depuis t'auras pas le même flow. Putain de fils depuis t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow. Pas le même délire, pas les mêmes roues. On va les mettre au parfum, afin même si t'as mon flow, t'auras pas mes pleins pro. Bande de tapins, je lâche rien, fais pas de machin. Motherfucker Niro, prends jamais de repos. Trop haut, trop chaud pour faire des bails de rose pour chocho. Ah, des MC sont tout ballots. Les porches leur donnent le pire. On me voit comme un poids lourd. J'fais 70 litres, ok, mixtape au-dessus du lot. Mixez vodka, citron qui se trompe jamais sur notre con. Motherfuck, on n'est pas tes putains de rappeurs hip-hop. On est des rats, je m'en putain de pop Porsche. Pas ma mère à pop-pop, c'est des pop-pop-pop. J'suis libérable, j'ai forcé les portes pour porter les virages. Faut que ça rapporte, porte les dirhams. Ferme tes fesses, jamais peur de faire mes caisses. Pas de putain de rapport amical que des rapports sexuels avec tes rappeurs, tellement je les baisse. Ah, j'écoute ce qu'il faut avec mon go dans ma scène. Texte de merde, flow de merde, trop de caca poisson. J'envole de loin, bref, j'vois toujours pas toi s'extasier. Pas étonnant que t'es dans la merde, taille vachique de t'extasier. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas la même vie, moi pas le même flow. Mais dis ça, c'est quoi les bails? Putain de fils de putain, pas le même flow. Putain de fils de putain, pas le même génie, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie. Dédicace à Solène de la part de Azura 1990. Pas le même génie, pas le même flow. Wow, toujours tout ce rageux qui m'aime trop. Je mets mon majeur dans ta boîte à Benko Bang. Dans deux ans, j'ai bossé à Kurt Cobain. Oh man, j'suis trois futés dans mon domaine. Oh merde, trop dingue, on bang, on s'impose. Trinque aux chiennes, qu'on trinque aux lingots. Mais voilà, un petit peu sur le tempo. J't'ai dit, mec, c'est direct. Rap français, aux oubliés. Crack musique, j'cuisine cette dope depuis l'époque de la dinette. Check, j'suis en direct. Dans mon parallèle, joue à slider dans la chatte à ta copine. Donc fais pas la belle. T'es pas convoité avec des tasses téléguidées. J'ai eu mon bac sans réviser, vu du blady, la vidéo. C'est pour ça qu'on vient liquider des salides, des baisers. Vos rappeurs habités, leur fait goûter nos qualités, yo. Si tu veux parler, descends de ma piste, s'te plaît. Tellement mes textes pêchent, dis que c'est des fiches de paix. Ah, motherfucker, vous êtes tous des cons. Les gros yaks sur mon compte en banque, que je touche des fonds. Pas le même génie, pas le même flow. Hey yo, t'auras beau demander un feat, t'auras pas le même Niro, pas le même saut. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas la même vie, moi pas le même flow. Monsieur c'est mon qui, t'auras pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas le même génie, pas le même flow, pas la même vie, moi pas le même flow. Monsieur c'est mon qui, t'auras pas le même génie. Putain de fils de pute, t'auras pas le même flow. Putain de fils de pute, t'auras pas le même génie, pas le même génie. Pas le même génie. À la mémoire de Bigou. Pas le même génie. Repose en paix, on peut. Pas le même génie. Pas le même génie. Pas le même génie. À l'instant, le Scorpion Remix sur Skyrock avec en effet Mac Taylor et avec Niro, ainsi que Joke sur ce morceau. Et une pensée, comme tu disais, pour Bigou, qui nous a quitté trop tôt, trop jeune aujourd'hui. Trop jeune pour mourir. Sur Skyrock, entre 20 et 21, on est avec Joke. Avant de faire tourner la roulette aussi d'ici quelques minutes, inscription au 41-7-5-9. On part sur un live. On fait un petit live maintenant, là. Bips, tu es prêt, Azura? Ça y est, déjà parti au platine. Démon, t'es prêt? Ah ouais. Ok, c'est parti. C'est le bruit. C'est la version du concert. Ok, c'est parti. Yeah. Ok. Right. Ok. Si t'as une chatte, t'es mon ami. Offre-moi un trisome pour mon anif. Yeah. Bitch, dis-moi ce que tu sais, qu'on s'organise. Avant que le cosmos me neutralise. Y'a que moi et Louis XV qui ont sucré des grands 16. Mais bon, pas une quinri. J'crache dans une française qui sont toutes ces tchouins. Présente-moi en une, j'avance sur recul. Négro, c'est sûr que je t'encule au sommet depuis Anubis. J'ai un A sur 10, quelle mouche t'as piqué. T'as le flow du paludisme, t'as le swag du sida. T'as un swag bizarre. L'état français ne passera jamais son visa. Ma reine ne laissera jamais la baiser cette sale diva. J'fume pas, j'suis né sous amnésia, sous sativa. Trop de mains sur ma queue, j'me fais sucer par Shiva. On restera où on est tant qu'on n'ouvrira pas de livre. Y'a que moi et Louis XV qui ont sucré des grands 16. Pépon par une quinri. J'crache dans une française. Rap ça les t'encaisses. Or dans les dentes, me baisse. Fais-t'en les culs par une hug gigantesque. Les mecs, yeah, sans les mains, bitch. Sans les mains, bitch, please. Wow, sans les mains, bitch. Sans les mains, bitch. Ta meuf vous mène pas, un Jackie et Michel. J'passe mon temps à tirer des meufs ou tirer des ficelles. Trouve-moi dans la schneck d'une beurre et demi-sel. Le zen plein de coke, beurre et demi-sel. En tête de liste, avec demi-sel. Gros clip en 4K, t'es en manque de pixels. Ramène une vixelle, j'appelle jusqu'à 6M. Dérapage en petite BM, j'suis dans le cerveau à Spielberg. J'suis dans les 4 coins de ta chatte. La France et Navarre, j'rappe tu des MC. J'suis Kendrick Lamar. J'suis qu'un petit d'en bas, donc toutes ces petites m'adorent. Négro créa pyramide avant Pythagore. Depuis que j'suis là, les boussoles indiquent le sud. J'suis un fils fucking, t'es un fils de pute. Yeah. Si t'as une schneck, t'es mon ami. Hey, prends la suite, négro. Bref, je la prends à quatre pattes sous les deux tours. Mal à l'aise, produite par Blasta. J'suis obsédé par la baisse. J'pète un indien pour lui offrir une petite rose à 50%. J'me fais bipolariser la guimauve. C'est l'heure de faire une petite pause. Sortez des films roses. C'est comme ça que je vois la vie sous drogue ou sous hypnose. J'me ferai bien massacre, j'le ferai avec plaisir. Kill the babes dans son sanctuaire, elle désire. Trop nombreux, trop d'eau à couler sous les ponts. Elles aiment trop jouer de la flûte, trop d'eau à couler sous la jupe. J'vais pas te faire un dessin, faisons-nous un selfie. Tu verras le visage du destin ou son esprit. J'veux les clés de la Bentley, j'veux la Bentley aussi. J'veux piloter comme Tavares, ça sent le sosie. Enregistre sur une bande, j'te le dis en momie. Peu importe ton mojo, on t'entend pas sans chromie. En vrai, je suis blanc albinos, mais ma reine ne voit pas. En vrai, je suis français, mais ma reine ne me croit pas. Yeah, ça fait 10 ans que je te le dis, homie. Demain, c'est nous. Demain, c'est aujourd'hui. Attention, je vais sévir. Je vais te balancer un menhir. Bordel à volonté, et je compte bien me servir. Marianne va descendre sur mon pubis. Ça nu, bisous, ça va mal finir. Plus mes cœurs. Et si le rap était du tennis, on serait la Coupe Davis. Méfie-toi, les sons d'Athéa bas ne sont que les prémices. Yeah. Malgré de nombreux services, je crois que Marianne n'aime toujours pas mon pénis. Quoi? Sans les mains, bitch. Whoa. Quoi? Sans les mains, bitch, please. Merde. Sans les mains, bitch. SSB. Sans les mains, bitch, please. Joe Kizzy. MTP. Bref. Dit par Blasta. Aïe, aïe, aïe. Genre d'ambiance new-yorkaise. Ok. À l'instant, en live, Joke. Et Monsieur Bips également sur Skyrock. On est là, frère. Avec Azura qui est là, qui était au platine ce soir aussi, comme d'hab. C'est ça. C'est l'équipe Anubis. De, c'est l'équipe de tournée, hein. C'est ça. Ne me plante pas, hein. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui viennent parfois se rajouter ou. Ben, ça dépend des saumores, ça dépend des dates, en fait. Parfois, il y a Titan. Des fois, il y a Titan. De temps en temps, il y a Dossé qui vient aussi. Dossé qui prépare aussi son projet, là. C'est ça. Qui sort son projet très bientôt. C'est le 16 mars, il me semble. 16 mars, c'est ça. Perestroïka. Perestroïka qui est très très sale. J'ai pu entendre quelques morceaux. Il y a des trucs. Costo, t'es dessus aussi? Je suis dessus, ouais. Il y a le morceau Le coup du patron. Ouais, Le coup du patron. Dossé, Gradure et moi. Voilà. Il n'y a que celui-ci ou. Il n'y a que celui-ci. Bon, il est déjà pas mal celui-ci, le coup du patron. Ouais. Tiens, on pourra le passer aussi dans la semaine, on ne l'a pas mis encore. C'est vrai. On pourra le remettre entre 20 et 21. Puis la tournée, donc, on le disait, la Théa Batour qui passe par Nantes le 13 février, le 14, c'est Blindé, c'est Aulnay, le 19 février à Reims, le 21 février à Magny-le-Hongre, 27 février à Mulhouse, le 28 à Metz, le 13 mars à Ris-Orangis, 14 mars à Vannes, 27 mars à Sannois, le 28 à Nanterre, le 2 avril à Savigny-le-Temple, le 3 à Morlaix, le 29 au Printemps de Bourges, 5 mai à Lille, 30 mai à Toulouse. D'autres dates à suivre aussi sur les réseaux sociaux de Joe. Ça va arriver, c'est ça. On finit avec Casino. On l'a déjà passé Casino. Ouais, ouais, on me dit dans l'oreillette qu'il faut remettre Casino. Regarde, regarde. T'as déjà l'oreillette. Regarde Oumar de l'autre côté qui fait des grands signes. Casino. Okay.

Joke avec nous toute la semaine entre 20 et 21 et la tournée La Teia Batour où vous retrouverez ce morceau Casino. C'est ça. Pack Casino à choper aussi demain entre 20 et 21. Demain on verra quelle tranche d'âge est demandée hein, pour la réponse et le jeu. C'est vrai. Et le jeu concours, il a passé pas mal de dédicaces à Zora, j'ai entendu là. Ouais, et... je sais pas contre quoi il les a échangés mais. Ah ouais, il a l'air bien content lui, il a un grand petit sourire là, et il fait ses affaires et il est pressé de partir. C'est à rendez-vous là? Ah ouais, ok, ok, d'accord. Parce que je vois le mec qui a fait ses affaires. Bon, nous, juste avant de ceux qui t'ont fait tourner la roulette, c'est parti avec Joe. Skyrock t'offre la superstar US, Nicki Minaj, en concert avec ta radio préférée. Salut Soumeya de Mauroy, ça va bien? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, je te présente Joe avec nous. Salut. Ouais, ça va? Ça va et toi? Tu es prête à faire tourner la roulette, Soumeya? Oui, je suis prête. Allez, on y va. Dès que tu veux, il y a des places pour aller voir Nicki Minaj en concert. 25 et 26 mars prochain. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi Soumeya c'est Nicki. Merci, je suis trop contente. Deux places pour aller voir le 25 ou 26 mars au Zénith de Paris, Nicki Minaj, c'est pour toi. Oh merci, c'est trop gentil, merci. Et ben de rien, bon concert, profite bien. Merci, bah bonne soirée. Et bonne soirée à toi aussi. Bien. Ciao ciao Soumeya. Allez, au revoir. Bonne soirée, merci. Joke demain, le rendez-vous? Demain. Entre 20 et 21. Pour Nicki Minaj ou pas? D'ici la fin de semaine. Ok. Ça te travaille hein, les places. Hein. Ça me travaille. J'avais oublié, mais là, ça m'a rafraîchi. Je vois que ça te travaille énormément. Ouais. Bon, réponse d'ici la fin de semaine. Merci à Bips, merci à Zoura, merci à Oumar. Merci à toi, Fred. Et une nouvelle fois, beaucoup de courage à Mac Taylor, à ses proches et à la famille de Bigou, à ses enfants. Voilà. L'émission lui était dédicacée. Qu'est-ce qu'il y a, Oumar, qu'on t'entende bien? Tous les potos d'Aubervilliers qui étaient là aujourd'hui à l'hôpital pour Bigou. Et voilà, on va beaucoup souffrir là pendant ces prochains jours. C'est très douloureux. Et surtout pour mon poteau Socrate qui sort son album bientôt en plus. Mmh. C'était vraiment pas le moment, tu vois. Mais bon, c'est fait, c'est fait. C'est jamais malheureusement les bons moments. C'est vraiment le moment, mais là j'ai l'impression encore moins. Mais c'est vrai que c'est dur de partir aussi jeune et aussi vite et aussi rapidement. Ouais, très dur, mais bon. Voilà. Courage aux enfants aussi, hein, ses enfants. Ça, voilà. Il avait 4 enfants, ouais. Bigou, donc voilà, il a eu un garçon il y a même pas si longtemps. Mais bon, ok. Et eh ben merci d'avoir été quand même là parce que je sais que la douleur est très présente et que ça n'a pas été forcément une émission facile à faire ce soir. Demain rendez-vous entre 20h et 21h sur Skyrock. Merci à Joke. À demain Fred. Merci à vous. On va retrouver D-Fool tout de suite sur Skyrock. Salut Fredo, salut Joke, salut tout le monde. Hello hello. Coucou. Hello. Vous êtes prêts? Nous on est pareil. Nous on est prêts, ouais. On est pareil là. Toute l'équipe est là. Jusqu'à minuit, toute l'équipe presque là, on va dire. Voilà. Il manque le poids lourd. Cédric, quelques poids lourds. Et le poids plume. Et le poids plume. Ah aussi. Les deux qui manquent. Ils sont peut-être ensemble les deux. Hein. Ouais, écoute, on va savoir ce qu'ils font. On en saura plus avec Cédric et Romano dans un instant. Là. Une stratégie du clash de la drague. Ah, possible. Peut-être. On verra ça ce soir. Peut-être un clash de l'embrouille, on verra aussi. Oui, embrouille aussi. Oui, c'est possible. Tout est possible. Et c'est parti avec vous là maintenant. 01 53 40 30 20. Vous pouvez appeler dès maintenant, puisque tout le monde est là ou presque, à part notre poids lourd et notre poids plume. C'est ça. Mais il y a du monde, il y a la Marie. Il y a Samy, il y a Karim, Momo va arriver. Ah, Momo, il est à mes côtés, Momo. Très bien, Momo. Ah bah, garde-le, tiens. On t'attend. on était dans le sud avec Joke. On va pas aller très très loin de Montpellier dans un instant pour démarrer la soirée. Puisqu'on va retrouver Fredo. Et on va presque avoir droit à un freestyle. C'est un freestyle sans les paroles. Tu m'as fait peur. Mais non, mais j'aime bien laisser un peu comme ça. Ouais. J'ai l'impression de kicker même parfois, mais dans ma tête seulement. C'est pas mal. Tu fais un beau tadadam. Tadadam. C'est parti pour Soprano. Joke, rendez-vous demain à 20h, 21h pour Planète Rap. Et là, Soprano pour démarrer la soirée. Et Cosmo, évidemment. Ouais. Et vous tous en direct de toute la France, tout de suite, Radio Libre. C'est parti. Salut Fred, à demain. Ciao. Ciao. Tous les matins sur Skyrock, il se passe plein de trucs, du risque. Ah, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien réveillé ce matin? Oh bah oui, vous m'avez réveillé.